Bonjour Marc Texot. Bonjour. Marc Texot, vous avez commencé la carrière à quel âge? À 20 ans? 25 ans de carrière? Texot, 25 ans. J'avais déjà fait des petites choses avant, mais ouais. Le projet Texot est fin 94, début 95. Parce que quand on parle de Marc Texot dans la région, plus même pas à travers la France, c'est 25 ans de tournée quasiment. 25 ans de promenade, oui. C'est fou, 25 hein. ans déjà, ça va vite, trop vite. Ah, c'est magnifique parce qu'on n'a pas, je crois, on n'a pas fait encore 25 ans. C'est la première fois. Marc Texot, bonjour. Rebonjour. François, salut. Salut. Il est un peu plus jeune, François. Bah, il n'était pas né quand j'ai commencé. Ah, fait. Bah oui, c'est ça. C'est... J'ai bien l'impression. C'est vrai en plus. C'est une anecdote que je raconte sur scène, ça fait rire les gens, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. J'ai 25 ans. Et voilà. À quelques mois près. T'es sûr que c'est pas ton père? Non. Ça commence. 25 ans, combien d'albums? 10. 10 albums et 2 compiles. Enfin, ça veut dire que t'en fais un tous les deux ans. Oui, parce qu'au début, il y a eu un premier album qui était pas vraiment, enfin, qui était plus une carte de visite qu'un véritable album. Et depuis 99, c'est quasiment tous les deux ans et demi. Ouais. Évoque la galère, c'est quoi? C'est une maison, c'est ta maison? C'était un des tout premiers titres que j'ai écrit. Alors c'est, c'est devenu le nom de la structure associative qui gère l'activité Texot depuis maintenant. Elle a été créée en 97, je crois. Et donc, et voilà, c'est un peu symbolique pour moi. C'était un des premiers titres que j'ai écrit. C'est surtout un des premiers titres que j'ai rechanté seul sur scène avec l'accordéon dans les mains. D'accord. Et voilà, je trouvais l'esprit, puis ça va aussi dans l'esprit de ce que je fais. C'est-à-dire que j'aime bien ce qui est assez spontané, naturel et. Voilà, ça vient comme ça vient et on fait avec. Parce que tu as deux bras, deux jambes, mais deux pieds, plutôt deux pieds que deux jambes. Voilà. Tu t'en sers tout ce que tu peux, enfin tout ce que tu veux. C'est façon de parler, bien sûr. Mais en tout cas, tu t'en sers pour jouer. Alors, tu disais enfin, dans une interview qu'il fallait un peu éviter de parler de l'homme orchestre. Oui, non, je plaisante avec ça, ça me fait toujours sourire parce qu'en fait, j'ai remarqué depuis 10 ans maintenant, ça fait près de 10 ans que je joue énormément en version one man avec effectivement des instruments sous les pieds un peu partout. Et j'ai remarqué qu'où qu'on aille en France, en fait, quand on prononce le mot homme orchestre, il y a carrément un synonyme, c'est Rémi Bricard. Tout à fait. Donc le mec est très fort, puisqu'il a réussi carrément à mettre son nom dans le dictionnaire français. C'est-à-dire, quand tu dis homme orchestre, tu penses Rémi Bricard. Je crois qu'il tourne encore. D'ailleurs. Oui, il joue encore. Il joue à Europa Park, en fait, tous les étés. L'année dernière, il a joué tout l'été, en fait, tous les jours. Il jouait 45 minutes tous les après-midi. Il a quel âge? 75 ans. Il a 69 ans. Ah, c'était pas long. Oui, j'ai cherché pour voir. On a 15 ans d'écart, en fait. Voilà. Ah bah on sait ton âge. Voilà, tu sais tout. Effectivement. François, quand tu vois jouer Marc, tu penses y arriver toi, jouer avec tes deux pieds de la batterie, enfin de la percussion et avec tes mains. Ouais, avec beaucoup de travail. Une grosse indépendance entre les pieds et les mains. Il faut ressentir les sensations parce qu'on peut faire boum boum. Ouais. Il faut du temps, il faut beaucoup de temps et de patience et d'essai, je pense. Moi, quand je vois Marc jouer, après, ça me perturbe parce que je ne ferais pas comme lui. Il met sa grosse caisse à gauche et sa caisse claire à droite. Et moi, ça, j'en serais incapable. Pourquoi c'est l'inverse d'habitude? Bah, je suis droitier. En fait, il paraît que je joue comme un gaucher. Ça, on me fait la remarque très souvent au niveau des pieds. On me dit, mais t'es gaucher? Bah, je dis non, parce que j'ai la guitare à droite et je suis droitier. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est. Je pense que l'aisance qui transparaît quand on me voit jouer, alors il y a du travail, c'est sûr, derrière, mais elle vient surtout du fait que j'ai travaillé des choses qui étaient plutôt spontanées et naturelles. Mm-hmm. J'ai jamais cherché à aller se faire des trucs qui étaient à l'envers du naturel. Et en fait, j'ai cherché à peaufiner ce qui est naturel. Et c'est pour ça que ça paraît spontané, parce que c'est pas un travail, je me mets pas des plans tordus en me disant « Allez, tu vas bosser X jours, X heures pour le faire. » Mais des fois, tu n'oublies pas de faire la percussion, il n'y a pas un moment où ça te... Non, le vrai problème que ça me pose, c'est que je me prends des claques par ma femme, en fait. C'est-à-dire que quand je dors, je pense à de la musique sans m'en rendre compte, j'ai les pieds qui jouent. Ah non, mais c'est sérieux. Je regarde un film à la télé, dès qu'il y a de la musique qui passe, j'ai les temps et les contre-temps qui tapent, et ça rend fou les gens qui sont à côté. En fait. Donc, et ça, je pense que peut-être quand je serai vieux, très vieux, dans un EHPAD, je sais pas, on dira ce mec-là est foutu, il a les pieds qui bougent tout seul, je sais pas. Mais je pense qu'il y a un côté. Je ne sais plus écouter de la musique sans avoir le réflexe de l'accompagner. Comme le gars qui tape comme ça pour faire de la batterie. C'est devenu un réflexe et Mais ça t'a pris comment? Enfin, c'était il y a 25 ans, t'as commencé comme non, ça? Non, alors j'ai commencé en solo, mais à l'époque je jouais juste avec, j'avais un système que je m'étais fabriqué avec un tambourin au pied, mm-hmm. et je tapais du talon simplement pour mettre du, si tu parles d'un comme kick en fait, ou oui, enfin... un peu comme ça, voilà. Et puis après j'ai monté une version groupe, et mm-hmm. pendant quasiment 7-8 ans j'ai plutôt joué, alors d'abord on était à 4, après à 3, après des fois en duo, enfin voilà. Et puis quand je suis reparti jouer en solo il y a un peu plus de 10 ans, bah en fait je m'emmerdais quoi. C'est-à-dire d'accord. que du solo c'est bien joli, j'aime bien quand même ce qui est assez dynamique, festif, mmh. et bah, un quart d'heure tout seul en solo sans rien ça va, mais je suis pas suffisamment bon guitariste pour faire illusion et mettre mmh. le feu pendant une heure et demie ou deux heures comme ça. Alors j'ai commencé à ressortir le vieux tambourin, puis petit à petit bah, je me suis dit sous l'autre pied je pourrais peut-être mettre une grosse caisse, j'avais mmh. vu des gens qui faisaient ça, notamment en country effectivement, donc puis ça s'est monté petit à petit, je suis passé du tambourin au charlet parce que c'était plus net. Les sonorisateurs me disaient que c'était impossible mon truc à sonoriser, parce que quand on mettait des, ça faisait autant de bruit avec la chaussure qui mmh. tapait par terre que le tambourin, c'était un truc horrible. Donc je suis passé au charlet, ensuite j'ai trouvé aux États-Unis, en allant me promener aux États-Unis, un système, j'ai vu un gars jouer, je dis d'où il sort ça, lui il avait une caisse claire qui était à la verticale. Et j'ai trouvé donc aux États-Unis un système, un support qui avait été fabriqué pour aussi des gars qui font de la country. Mm-hmm. Donc j'ai ramené ce truc-là et j'ai joué pas mal de temps avec ça. Et puis là, un système tout neuf qui est là aujourd'hui, parce que ça fait un mois que je joue avec ce système sur lequel j'ai gambergé plusieurs semaines avant d'arriver à le mettre en place. Et qui donne une caisse claire avec une baguette que j'actionne. Enfin voilà, un truc fait maison. Alors est-ce que dans le live, il y aura aussi la bande de l'harmonica? Il y aura l'harmonica. Ah oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire qu'il y a les deux ah. pieds de gens, deux mains et plus la... Oui, bah, l'harmonica, oui, c'est le complément. Bah, j'allais dire, c'est un peu obligatoire. Si tu joues en version solo, d'avoir ce petit instrument qui met quand même de la couleur à beaucoup d'endroits. Mmh. Puis qui permet de mettre des couleurs différentes, tu vois comment on l'utilise. Donc. En fait, tu as peur de la solitude, alors rien que tout. Je suis un solitaire qui n'aime pas la solitude. Voilà, effectivement. On va écouter un premier extrait que tu as bien voulu nous proposer. C'est celui pour lequel je me suis amusé à faire un petit clip vidéo. D'accord. Donc je préfère qu'on l'écoute et qu'on le regarde dans la version orchestrée, parce que sur ce titre-là, je joue à la fois de la guitare et de l'accordéon. Ça, c'est le seul truc que j'arrive pas à faire sur scène. Ouais, bah oui. Sur scène, non. Donc voilà. Donc comme j'ai fait une petite vidéo, puis qu'en plus sur l'album j'ai joué les deux et que j'aime bien cette couleur, j'aime bien qu'on entende ça. Rappelle-moi le titre. Ça s'appelle La vie défile. La vie défile, Marc Texo. Quand la lumière du jour et ses reflets nous autorisent enfin à imaginer le scénario d'un film ensoleillé, indispensable aux vies fertiles. Au diable les pensées indélébiles, nos lendemains seront simplement forgés par le fruit des désirs les plus futiles qui pourront enfin respirer. La vie défile dans nos esprits fragiles, l'équilibre ne tient qu'à un fil. Oh oh oh, la vie défile dans nos esprits fragiles. Ainsi alors, ainsi soit-il. Quand l'heure sera venue, compte à rebours lancé. Il faudra être habile, apprendre à naviguer, pour écarter les pièges de nos piètres pensées qui pourraient nous rendre fébriles. Parfois briser des murs, aussi épais soient-ils, dans un élan d'humeur. Imaginez que derrière l'innocence de nos matins tranquilles, un autre monde puisse exister. La vie défile dans nos esprits fragiles, l'équilibre ne tient qu'à un fil. Oh oh oh, la vie défile dans nos esprits fragiles. Si c'est ainsi, alors ainsi soit-il. Puis quand l'orage et ses vents parfois mauvais viendront bousculer notre exil, il faudra rester droit pour ne pas s'éloigner du meilleur de nos idylles. Il faudra prendre garde, aussi brillant soit-il, de ne pas laisser s'ériger de nouveaux murs armés d'arrière-pensées hostiles à nos meilleurs reflets. La vie défile dans nos esprits fragiles, l'équilibre ne tient qu'à un fil. La vie défile dans nos esprits fragiles. Si c'est ainsi, alors ainsi soit-il. Oh, fragile, fragile, fragile, fragile, la vie défile. L'équilibre ne tient qu'à un fil. Oh, oh, oh, fragile, fragile, fragile, la vie défile. Si c'est ainsi, alors ainsi soit-il. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. La vie défile, un titre de Marc Texo, avec François qui vient pour la tournée, qui n'a pas joué dans l'album, c'est ça ? Non, alors j'ai enregistré cet album en faisant tout moi-même dessus, et en coproduction avec Raoul Léninger, que tu connais, j'imagine, du label 3H. Ouais. Tu peux rappeler production. Le titre de l'album ? Le titre de l'album, Face au miroir. Je réfléchis en fait, voilà. Face au miroir. Parce qu'il y en a tellement maintenant pour se souvenir de tous les titres. Non, c'est pas ça, c'est que je pensais. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup hésité pour le titre de l'album. Ça a été ça et la pochette. Je vais aller dire quasiment jusqu'au moment. D'ailleurs, les pochettes ont été faites avec deux titres et en deux versions. Il y avait quatre trucs différents. Il y avait quatre pochettes qui étaient prêtes. Pourquoi ? Avec deux. Parce que j'arrivais pas à me décider. C'est important, le titre, en fait, et ce qu'on voit. Parce que malheureusement, ça donne une idée, en fait. C'est comme l'histoire du Rumurica tout à l'heure. Ça donne une idée quand on voit et quand on entend un mot. Et j'avais du mal à me décider. C'est une histoire, c'était plus perso. Est-ce que je prends ça ou pas? Donc finalement, j'ai opté pour la pochette où on ne me voit pas réellement, puisque la photo où on voit mon visage, elle est derrière. Je me suis dit que j'allais en avoir marre de me voir à chaque fois que je prenais la pochette. Et puis le Face au miroir, c'est un titre. Alors, ça aurait pu être La vie défile, parce que c'est un titre qui est un peu plus festif, qui reflète un peu plus mon esprit global musical. Mais l'autre titre, je trouve, le texte qu'il y a dedans, c'est d'ailleurs, je l'ai mis en dernier sur l'album, du coup, le morceau Face au miroir, qui est un morceau plus posé, mais qui est. Je trouvais que ça reflétait plus l'esprit du moment, en fait, là, un peu de recul, quoi. Je commence à arriver à un âge où on prend la peine de regarder un peu ce qui s'est passé et puis de réfléchir un peu plus qu'avant. Ah oui. Par obligation. Après 50 ans. Par obligation. Mais François, tu joues deux instruments, pas plus, sur scène, si ? Sur scène, j'en joue que deux. C'est déjà beaucoup. Et je chante, je fais les chœurs, la basse et du violon. Et plus violon que basse, le concert ou pas ? C'est assez équilibré. Je crois qu'on avait compté l'autre jour, c'était sur 19 titres, le répertoire qu'on avait joué, c'était 10 et 9 ou un truc comme ça. Donc, légèrement plus de violon. Ouais, c'est à peu près identique. Ouais. Alors est-ce que, du coup, tu t'es penché sur la carrière de Marc ? Est-ce que tu as écouté tous les 9 albums précédents ? J'ai pas écouté les 9. Non. Il m'en a donné 4, je crois, au début. Et puis le dernier, là, évidemment. Histoire de faire une rétrospective de toutes ces musiques-là. Est-ce que le dernier représente un peu une espèce de condensé de ce que tu as joué pendant 25 ans ? C'est toujours difficile à dire parce que je suis auteur-compositeur, j'enregistre, je joue, voilà. Pour moi, il y a une évolution en fait. Je me rapproche de ce que j'aime. C'est-à-dire, bon, en termes de production, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais je voulais un album qui reflète ce que je fais sur scène, en fait. Pas un album surproduit. J'ai eu l'occasion d'en réaliser un ou deux qui étaient à mon goût surproduits, peut-être plus fait pour de la radio. Puis au final, je suis pas quelqu'un de médiatique. Ce que les gens ont envie de garder comme souvenir, c'est ce qu'ils ont vu quand je les séduis sur scène. Je pense que tu es dans ton trip quand tu es sur scène. C'est surtout pour ça que je fais de la musique d'ailleurs. Ouais. Ça sent quand on fait. Il y a un certain nombre de vidéos quand même. Oui, j'aime bien. J'aime bien laisser des souvenirs. De plus en plus, j'ai l'impression qu'il faut. Enfin, moi, j'ai envie d'avoir les deux. J'ai envie d'avoir l'image avec le son. Alors il y a des apartés entre les titres, hein, ça c'est mon concept scénique depuis là aussi une dizaine d'années, et c'est parti un peu spontanément, et puis je l'ai entretenu, je l'ai travaillé un peu plus, et c'est vrai qu'en 25 ans on vit un certain nombre de choses plus ou moins originales, et que j'aime bien raconter ça, donc ça, il y a une espèce de fil conducteur avec des choses racontées. T'as prévu de le faire tout à l'heure ou pas ? Non, mais d'accord. Si tu veux, je peux t'en raconter une ou deux. Il y en a tellement à raconter. Vas-y. Oh, la plus évidente avec ce que je fais, j'ai eu plusieurs fois d'ailleurs, et ça c'est véridique, des dames qui sont venues me voir à la fin des spectacles en me disant « C'est extraordinaire ce que vous faites, je ne savais pas qu'un homme pouvait faire plusieurs choses en même temps. » Si, Antoine. Hein, voilà. Et alors je leur réponds à chaque fois, je leur dis « Écoutez, je vais vous décevoir, je ne suis pas l'homme parfait, c'est mon côté féminin qui s'exprime. » Ah. Et t'en as une deuxième, tu m'as dit. Deuxième. Ouais. Bah, une deuxième, si tu veux. Qu'est-ce que je pourrais te raconter? Oh, ça, c'est plutôt une blague entre copains, mais c'est vrai, en plus. J'ai une fois dit à un copain qui se plaignait de ne pas pouvoir évaluer la jauge d'amour de sa copine. Il me dit, c'est quoi une preuve d'amour? D'accord. Ah, oui. Et je lui ai dit, bah écoute, par exemple, quand t'enfermes ton chien pendant une heure dans le coffre de la voiture, quand t'ouvres le coffre, il est content de te voir. Ça, c'est une preuve d'amour. On a rigolé, il s'est marré. Puis trois jours après, je lui dis, alors ça va? Il me dit non, elle s'est barrée, elle est sortie du coffre très énervée. Ah merde. Ouais. Effectivement. Il y a un côté Daniel Lanois, je trouve, un petit peu. Daniel Lanois. Tu sais, celui qui chantait Mangerie, excuse-moi, c'est un musicien canadien. Moi, je ne connais pas. C'est celui qui fait la comédie musicale, Daniel Lanois. Lanois, ah ben, je ne connais pas non plus. Et David McNeil non plus. Non plus. Ah ben, c'est pas grave. Et Bruce? Ah ben, je suis né en 15 après Bruce. C'est-à-dire, attends, lui, il est né... Oui, c'est ça, oui. C'est ça, c'est mais ça. Est-ce que tu pensais déjà jouer un peu du Bruce d'une manière indirecte quand tu as commencé? Non. Parce que maintenant... Non, alors, et je commence tout juste. Alors, j'en joue un peu chez moi, mais j'en ai jamais joué sur scène. Tu pourrais peut-être prendre la guitare et nous faire 10 secondes. On essaye. Tiens, ou pas? Tiens, je te fais une intro. On écoute ton deuxième titre et on voit pour le troisième. Voilà, si tu veux. Hein, on va faire comme ça. Le deuxième titre fait partie également du dernier album, c'est ça? Oui, bien sûr, bah oui, je n'ai pris que des titres de l'album. À l'époque de Tonton François, bien sûr. On était bien tranquille, à l'abri au chaud dans nos villes. On n'avait pas besoin de compter tous les petits sous du porte-monnaie à l'époque de Tonton François. On avait tous des projets, on vivait même le cœur léger. Un peu comme s'il suffisait simplement de vouloir être heureux à l'époque de Tonton François. On pouvait parfois rêver. Même en dormant, faut faire gaffe à tes sentiments. Sinon, quand tu te réveilles, t'arrives à la section péage du boulevard des rêves. Et là, faut que tu payes. On pouvait même s'en griller une, sans payer l'impôt sur les grandes fortunes. Enfin, je dis ça, moi, mais je fume pas, mais je paye des impôts, plus d'impôts qu'à l'époque de Tonton François. Avec moins de 300 balles d'essence, on pouvait faire le tour de France. Pour se promener sans être dopé, pas pour gagner, juste pour le plaisir à l'époque de Tonton François. On allait même travailler, sans regarder l'heure et sans se méfier. Aujourd'hui même quand tu bosses, faut faire gaffe à la tête du boss. Sinon quand tu te réveilles, tu t'aperçois que pour toutes les belles petites choses que tu croyais avoir fait de bien en plus, y'a pas d'oseille. Au risque de vous surprendre, je suis pas nostalgique de Tonton François, pas plus que ça. C'est juste le coup du beurre, la bonne humeur, les belles couleurs qui manquent beaucoup, beaucoup parfois. Je voudrais bien zapper toutes mes peines, oxygène. Je voudrais me lever avec le ciel bleu, l'horizon dégagé, des projets plats la tête. Même si j'ai plus 20 ans, si c'est plus comme avant, je voudrais seulement la même chose que vous, monsieur, dame. Vive tranquille. Hey! Talent d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Alors, il arrive... Hop là, je l'ai raté. C'est comme les chevaux avec la fille de Bruce. Tu as récupéré ta guitare. On va faire un extrait qui se passe à l'époque de 2001. C'est après 2001, c'est après le 11 septembre. Une intro, on va faire. Ouais, on va faire une intro, parce qu'effectivement, c'est... Et c'est dans l'album de Rising. Ça s'appelle... Je crois Waiting for the Sunny Day. Yeah. Mais il me semble bien que ce titre est sur plusieurs albums, en fait. Ah d'accord. Il me semble bien. Ben, on essaye. I'm waiting on a sunny day. Voilà, un petit bout merci, c'est fait. Et puis, ce sentiment qu'on en retrouve dans les concerts de Bruce Springsteen, on les retrouve avec toi parce que tu fais passer. Sérieusement, quand tu vois. Ne compare pas à Bruce Springsteen, je le crois non, pas. Non, je ne compare pas. Non, il est incomparable. Mais tu fais passer un. Il y a une réaction, une réactivité de la part des gens qui viennent te voir. Ah bah c'est un peu le but de mes spectacles, c'est de l'interaction aussi, de partager. Il y a un truc que j'adore faire mais qu'on ne peut plus vraiment faire comme on veut aujourd'hui, c'est pouvoir planter mon décor dans une rue et puis faire un vrai spectacle de rue. Mais ce n'est plus vraiment possible. Il y a 10 ans, je l'ai fait beaucoup en été. Je comblais toutes mes dates programmées par des interventions spontanées le soir dans les rues. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. L'année dernière, j'ai cherché à voir. Ah oui, on est vraiment plus loin. Sur les lieux touristiques, c'est une horreur. Sur toute la côte aquitaine, j'ai cherché à avoir des autorisations simplement pour boucler. J'avais 5 ou 6 dates qui étaient prévues. Et bon, à chaque fois, il y a des jours off, des choses comme ça. Je dis, ça me plaît, ça doit rencontrer des gens à l'arrache, en acoustique, dans la rue. Et dès que tu veux brancher un petit truc, un petit ampli, dès que tu fais quelque chose qui est un peu officiel, entre guillemets, et même quand tu le fais pas, je suis pas une tête brûlée, j'ose pas pousser jusqu'à me faire embarquer, mais c'est ce qui se passe pour ceux qui forcent la dose, hein, donc alors, c'est malheureux ça. Il y a un tremplin que tu as gagné, c'est à la Mégis Pichon, c'est un grand souvenir ça. C'est vrai, raconte, c'était il y a 15 ans. Je sais pas, c'était la première édition, je sais pas où ils en sont, à mon avis il y a plus que 15 ans, ça doit être plutôt 18 ou 19. Ça devait être ou 2001 ou quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. C'est 2000. 2000, carrément, 20 ans. Ça fera 20 ans, donc ça devait être au printemps 2000, alors si c'était en 2000. Mmh. Oui, j'étais venu démarcher pour proposer de jouer. J'étais à l'époque en version groupe. Et la demoiselle qui s'occupait de la programmation à l'époque m'avait dit moi je ne programme jamais sans jamais avoir vu les gens. Je dis, il faut venir me voir, et elle me répond, j'ai pas le temps. Je dis, ça va être dur. Alors donc, mais elle me dit, par contre, j'organise un tremplin, si tu veux venir jouer. Je dis, moi, je suis pas trop dans la compétition, c'est pas un truc qui me branche trop. Je dis, maintenant, si en venant jouer un quart d'heure au tremplin, ça te donne suffisamment d'idées pour me programmer l'année prochaine, je veux bien jouer le jeu. Et donc, on est venu un soir faire ce tremplin. Et on a joué, on a fait notre truc, on s'est bien amusé pendant 20 minutes qu'on avait de scène. Et c'était un vendredi soir, si je ne me trompe pas. Et le dimanche à midi, elle m'appelle et elle me dit, t'as prévenu de venir l'après-midi parce que le tremplin durait 3 jours. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. C'était 3 soirs de suite. Ce jeudi, vendredi, samedi, je crois. Et elle me dit, t'as prévenu de venir cet après-midi à la remise des prix et tout ça. Bon, je dis, honnêtement... C'est comme à Cannes, on prévient qu'il faut peut-être revenir. Mais nous, dans notre esprit, on était venus jouer. C'est vrai qu'on avait, en 20 minutes, on avait vraiment séduit la salle. Et je lui avais dit, c'est bon. Elle m'a dit, on s'en reverra l'année prochaine. Moi, j'étais content. Et donc, elle me dit, ça pourrait bien quand même. Je dis, en plus, il y a des gens qui étaient là, assez connus, qui sont bons, qui sont de Nancy. Moi, je ne suis pas nancéen, forcément, ça ne sera pas pour moi. Je dis, franchement, tu devrais venir et tout. Et donc, je suis venu. Et ils ont commencé à remettre les prix, comme ça se fait d'habitude, dans le sens inverse des prix. Et plus ça avançait, et plus les deux musiciens qui étaient venus avec moi me disaient, franchement, on aurait fait de rester à la maison. Je ne sais pas pourquoi on est venu, parce qu'on ne va certainement pas gagner. Et ça a avancé. Et on s'est retrouvés. Il restait donc le dernier prix à annoncer. Et il y avait deux gros poissons d'anciens qui n'avaient rien eu. Donc j'étais convaincu que ce n'était pas pour moi. Et puis on a gagné ce tremplin, en fait. Voilà. Donc c'était une belle aventure, parce que ça s'est traduit ensuite par beaucoup de portes ouvertes grâce à quelqu'un qui s'appelait Marc Vuillermoz. Je ne sais pas si tu as connu, qui était à l'époque le responsable de. Alors je crois que ce n'était pas encore France Bleu, ça devait être encore Radio France Nancy. C'est ça. Oui. Et qui m'a présenté ensuite pour aller faire le tremplin Radio France, en fait, qui se déroule à Périgueux, où là ça s'est passé pas l'été suivant mais l'été d'après, si je me trompe pas, donc ça doit 2002. Être ça qui était en 2002. Et donc on avait été faire d'abord une scène pour une première étape qu'on avait gagnée, une deuxième, et on s'est retrouvé à faire la finale à Périgueux, et on est reparti avec la médaille de bronze. Quand tu joues, tu gagnes. Une grande désillusion le jour-là, mais parce que tu n'avais pas gagné. Pas parce que j'avais pas gagné, parce que le jour-là, on est venu me dire dans les coulisses que le tour de table qui avait été fait nous avait classé en premier. et que le président du jury avait demandé, avait dit qu'il mettait son veto parce que le truc qu'il avait vu était trop populaire et que le tremplin Radio France devait d'être gagné par des artistes un peu plus raffinés que des artistes populaires. Alors j'avais pris une claque phénoménale le jour-là. C'est pour ça que maintenant ils font la promo pour Pascal voilà. Obispo et Christophe. Ah ben je ne sais pas, oui, non, mais peut-être, mais c'est ce qui m'avait été dit et ça m'avait. C'est vrai que j'avais pris une petite larme. Après, on était très heureux, on avait fait de beaux concerts, on avait eu des beaux retours derrière. Mais et c'était, j'ai l'article de du journal de Périgueux le lendemain qui avait titré Texo est passé près des étoiles ou un truc comme ça. Et en fait, on parlait plus de dans le truc. Il y avait mon nom en gros et celui qui avait gagné, on le voyait pas trop. mais bon, voilà, grosse désillusion parce qu'il y avait beaucoup de promos nationales à la clé. D'accord. Et donc pour moi, c'était à ce moment-là, ça aurait été effectivement peut-être. Peut-être un virage que je n'ai jamais pris, mais peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait pu se passer. Mais bon, là, la vie est belle, donc il n'y a pas de souci, je suis toujours là. Je crois que c'est Cyber Junkie qu'on va écouter, c'est ça ? Voilà, oui, un petit clin d'œil au vice de notre temps. Notre temps. Qui est incontournable. Hein. On l'écoute, c'est le troisième titre, et après, ce sera le live. Dans l'espace numérique, je mets les voiles. C'est magique, je voyage sans limite et sans retenue. Je visite, prêt à tout pour du réseau au débit. Je suis Cyber Junkie, mon oxygène c'est le wifi. Cyber Junkie, ma cam d'avoir beaucoup d'amis. Cyber Junkie, je kiffe si chacun de me suit. Cyber Junkie, je surfe sans réserve, jour réduit. Cyber Junkie, prêt à tout pour du réseau au débit. Je suis Cyber Junkie. Je dévoile des secrets en restant bien filtré. Je donne parfois des gigas ou des octets sans regret. Prêt à tout pour être au top sur le net. Je suis Cyber Junkie, mon oxygène c'est le wifi. Cyber Junkie, ma cam d'avoir beaucoup d'amis. Cyber Junkie, je kiffe si chacun de me suit. Cyber Junkie, je surfe sans réserve, jour et nuit. Cyber Junkie, prêt à tout pour être top sur le net. Je suis Cyber Junkie. David Ménard. Alors, c'est plus Marc Texo sur l'album, c'est Texo tout court. Moi, j'ai toujours présenté sous le nom Texo, en D'accord. fait. C'est pas un peu un terme générique, en fait. C'est quoi Texo ? Pour... Oh, à l'origine, il y a toute une histoire. Là, à l'origine, c'est parce que les premiers textes, le premier album que j'avais fait était vraiment dans le texte assez Tex Avery, c'est-à-dire clin d'œil, voilà, c'était un peu ça. Et puis quand j'ai commencé en 95, j'avais fait quelques petites dates dans des tout petits endroits à Paris, et quelqu'un qui était dans le milieu m'avait dit « méfie-toi, parce que si t'as l'intention de continuer de faire ça juste pour, pas uniquement pour quelques mois, il y a un mec qui tourne à Paris en café-concert, enfin en café, en one-man, machin, qui s'appelle Tex, sous le nom de Tex, qui est très connu aujourd'hui d'ailleurs. Oui, puis voilà. Très disparu aussi. Je sais pas, mais bon, il a fait de la télé. Enfin, c'est mais il a raconté une mauvaise blague. Je sais pas. Ouais, enfin, si, voilà. Si, mais je te le dis. Du coup, il a été viré. Du coup, il a été viré de partout. De France 2. Et donc, à l'époque, je crois même d'ailleurs qu'il y a eu quelques maquettes qui ont circulé où c'était marqué Tex avant de quel haut. Et puis, du coup, il fallait trouver un truc. J'ai cherché. Et puis, voilà, sur une idée farfelue, un soir où on avait bu un peu trop de bière, je vais pas tout te raconter, mais ça a fini avec une apostrophe et un O. Ma femme a dit que c'était sexy, en fait. Donc attends, j'ai raté la marche. Ouais. Non, une apostrophe et un O. Ouais, parce qu'à l'époque, il y avait on n'était pas quand même dans la même époque qu'aujourd'hui déjà. Et alors, dans nos époques à nous, en plus, non. C'est-à-dire 15 ans avant, quand on était ados. Mm-hmm. Et à l'époque-là, il y avait les films érotiques qui étaient sortis en cinéma. Il y en avait un qui s'appelait Histoire d'eau, avec un D apostrophe O. Et donc, en discutant de ça, ma femme me dit, mais écoute, tu devrais faire comme ce truc-là, Tex avec une apostrophe et un O, ce sera sexy, ça c'est un truc qui va marcher. Alors je suis resté, puis voilà. Je ne comprenais pas. Tes dates de concert, on va en parler. Alors, deux dates importantes pour moi, parce que je joue pas souvent sur Metz, qui est le coin où je joue, où j'habite. Et je suis le 22 mars au Gueulard, au Café Concert, au vrai Gueulard. Pas la grande salle, le vrai Café Concert de l'origine. Donc le dimanche 22 mars. Et je joue à Metz dans un petit lieu fort sympathique en version acoustique qui s'appelle La Comédie, qui est une petite salle qui fait beaucoup de one-man humoristique et qui ouvre à la musique depuis pas longtemps. Voilà. Et sinon, je serai fin mars également à Granges-sur-Vologne. Ça, c'est pas très loin de Nancy, 50 km. Pas loin de Granges-sur-Vologne. Ça, je ne sais pas. Oui, forcément, puisque c'est Vologne. Ouais. Et donc, et là, par contre, je jouerai en duo avec François. Les deux autres dates, je serai en solo. Mais le 28 mars, nous serons en duo. Là, les trois dates, vous serez en duo ? Alors, la date du 28 mars. Que à Granges-sur-Vologne, nous sommes en duo. La date de Metz, c'est pas encore complètement défini. La date du Gueulard, je serai en solo. D'accord. Voilà. Donc pour les dates, de toute façon, il y a mon site internet. Le mieux, c'est le site www.texo.fr. Il y a tout ce qu'il faut dessus. T'es très cyber, toi aussi. T'es beaucoup sur les réseaux sociaux. Je veux dire, tout est bien fait. Dans ton site est rempli de vidéos, de textes, comme tu as dit tout à l'heure, des dossiers de presse assez importants. Le premier réflexe de n'importe qui aujourd'hui, quand tu lui demandes s'il connaît quelqu'un, c'est de prendre son téléphone et de taper le nom dans un moteur de recherche pour voir ce qui sort. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un truc qui soit quand même propre. Après, j'ai l'intention de resserrer tout ça. Je pense que le site est bien. Finalement, il y a beaucoup de choses sur le site. Voilà, il faut qu'il y ait un point de rencontre cybernétique, en fois, mais il ne faut pas qu'il y en ait 15 000 non plus, parce que c'est hyper chronophage. Et puis finalement, il n'y a pas grand chose d'humain là derrière. Est-ce que tu as un public qui te suit? Enfin, je pense que tu l'as, parce que Il y a du public. Oui, après le public, voilà, les publics, il y a du public qui me suit, il y a du public qui découvre, parce qu'au bout de 25 ans, il y a des gens qui ont vieilli aussi un peu. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres qui arrivent et qui découvrent la chanson. Donc il y a surtout du mélange, en fait. Il y a des gens d'un peu de tout âge, en fait, qui suivent. J'entendais des enfants dans les enregistrements. Les enfants se mettent devant quand ils viennent en famille. C'est beaucoup de familles qui viennent. Peut-être le seul avantage, j'allais dire, de toutes les lois qui ont été sorties sur les cafés, c'est que depuis qu'il y a plus la cigarette et tout ça dans les cafés, quand on fait des plans café-concert, il y a effectivement des gens qui viennent en famille avec des enfants. D'accord. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt sympa pour la chanson. Tout à fait. Et je crois que c'est plus sympa de venir t'écouter en live. Je te propose d'aller t'installer avec l'harmonica, la guitare et de quoi. Il te manque quoi par rapport à la scène là? Tu as tous les instruments J'ai la version. Oui, sur scène, je joue avec cette version là en fait. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié. Je suis venu uniquement guitare parce que sur scène, j'ai l'accordéon aussi. Et les morceaux du dernier album? On va jouer 4 morceaux. Alors, je vais jouer 2 morceaux en version complètement one man acoustique. Mm-hmm. Je vais en jouer 2 avec François qui va jouer de la basse. D'accord. Et les 4 là sont sur l'album. Et on va en jouer un 5e qui est un morceau de l'album d'avant. Sur lequel François joue du violon en concert en version on joue très acoustique et que j'aime beaucoup, donc je lui ai demandé s'il voulait bien. Allez vous installer les garçons, c'est le moment de retrouver Marc Texo. Et c'est parti. Talent d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Un ticket de métro usagé, un billet vert symbole de liberté, quelques clés aux serrures oubliées, autant de parfums et autant d'images associées. La photographie d'une dame âgée, un backstage de festival d'été, une mèche de cheveux peut-être bien volée, un trésor à l'air libre et pourtant si bien caché. Il y a du monde dans ce petit espace, un peu comme un grand champ de vieux miroirs, invisible pour vous mais comme glace pour moi quand je regarde au fond du tiroir. Au fond du tiroir, un stylo à l'encre bien usé, des trombones assemblés en collier, une montre ancienne au cadran égaré. Depuis longtemps déjà ici, le temps s'est arrêté. Il y a du monde dans ce petit espace, un peu comme un grand champ de vieux miroirs. Invisible pour vous, mais comme glace pour moi quand je regarde au fond du tiroir. Au fond du tiroir. Monnaie avec laquelle on avait dû acheter ses lunettes au look bien démodé. Les restes d'une époque ici sont toujours bien gardés. Il y a du monde dans ce petit espace, un peu comme un grand champ de vieux miroirs. Invisible pour vous, mais comme une glace pour moi quand je regarde au fond du tiroir. Du monde dans son petit espace, un peu comme un grand champ de vieux miroirs. Invisible pour vous, mais comme une glace pour moi quand je regarde au fond du tiroir. Au fond du tiroir. Au fond du tiroir. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Mon amour, et si on se faisait la belle quelques jours pour se dégourdir les ailes, un détour loin des rails artificiels, on mettrait de la douceur dans nos valises, on volerait sans destination précise, d'heure en heure, simplement à notre guise. Respirer, telle serait notre devise. Hey, mon amour, et si on se faisait la malle quelques jours, loin de ce monde infernal, un retour à nos valeurs initiales. À la terrasse d'un café, déguster quelques pères au goût fruité, ce serait l'occasion d'imaginer le futur de notre belle odyssée. Hey, mon amour, naviguer ainsi pour l'éternité. Hey, mon amour, et si on se mettait les voix pour toujours, sans destination finale, ce serait notre tournée générale. Ce serait notre tournée générale. Talent d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. J'ai le bijou entre les mains, face au miroir. On se voit et on se dit... On se pose des questions parfois. Est-ce qu'on continue ou on arrête? c'est le dernier album qui vient de sortir là. Voilà, il est tout chaud, tout neuf. Il est disponible depuis quelques jours sur le site internet, sur les lieux de concert bien sûr. Et on écoute sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Effectivement, on ne va pas les citer parce que ce sont plusieurs, mais enfin, voilà. On pourrait, mais on les connaît. J'ai checké un peu, a priori ça a bien marché, ils ont été efficaces. Mm-hmm. Sous le coup d'avance, ça n'avait pas marché tout de suite, mais là ça a bien marché. On trouve les titres partout. Alors on a écouté Mon amour est au fond du tiroir, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est le titre. Mon amour n'est pas au fond du tiroir. Ça, c'est une bonne idée. Ça. Ah oui. Non. Mon amour est toujours très vivant. Il vit à côté de moi tous les jours depuis 35 ans. Non, tout va bien. Ce qu'on vient d'écouter. Alors, la première chanson s'appelle Au fond du tiroir. Voilà. Voilà. Chanson écrite bêtement en ouvrant un tiroir chez moi. Ça, c'est véridique. Pour anecdote, j'ai ouvert un tiroir dans lequel il y a une multitude de trucs qui traînent depuis je ne sais pas quand. On doit jeter. On a tous des tiroirs comme ça chez nous. Bah, moi, j'ai que ça. Et voilà. Et j'ai ouvert ce truc-là et j'ai vu en premier lieu une photo qui est la photo de mon arrière-grand-mère, et puis j'ai trouvé 2-3 bricoles, j'ai vu des clés, et puis 10 minutes après j'avais écrit un texte, et puis ça a donné cette chanson. Parce que ça me fait penser que tes histoires, c'est des histoires courtes en fait, chaque chanson, il y a une histoire derrière. Les chansons sont assez courtes. Il y a un tiroir pour chaque chanson, ou il y a une chanson pour chaque tiroir? Ouh, ça c'est... De toute façon, l'émission est podcastée, tu pourras noter. Ouais. Je ne mets pas de copyright. Il y a une idée ou un sujet, en tout cas il y a une émotion ou un ressenti qui déclenche l'écriture. Ça, c'est sûr. Mm-hmm. Je ne cherche pas forcément à écrire sur un sujet. Il y a des gens qui se mettent en disant aujourd'hui, voilà, c'est l'environnement, c'est ci, c'est ça, je vais faire un album, il faut qu'il y ait ces trucs là-dedans. Mm-hmm. Il y a des chansons où j'ai parlé dans d'autres albums, effectivement, de problèmes d'environnement, mais parce qu'à un moment donné, j'ai vu ou j'ai ressenti quelque chose qui m'a suggéré d'écrire. D'accord. Voilà, donc je ne suis pas dans la démarche de j'écris pour écrire sur un sujet. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'arriverai à le faire. Je prends tout au vol. La musique, c'est pareil. Donc ça aussi c'est un point très délicat en termes personnels, parce que quand une idée me germe à 3h30 du matin, il faut absolument que je me lève, que j'allume et que je la garde. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Parce que sinon le matin l'idée est partie. Ah oui, carrément. Ah oui, ça c'est... pour le texte, il m'arrive d'avoir 10 phrases en tête, un bout de texte complet dans la tête... parce que comme tu le sais, après 50 ans, on a des fois du mal à dormir, donc on pense à des tas de trucs. Et des fois, j'ai une idée de texte, là, ça tourne, ça c'est un truc qui me plaît, j'ai envie d'utiliser ça. Mais j'ai beau me le répéter, j'ai déjà fait, me le répéter 100 fois en me disant c'est bon, quand tu vas te réveiller, il sera toujours là. Il est plus là de la même manière, il y a toujours un truc, et souvent le petit truc qui part, c'est le petit truc qui faisait qu'il était bien ce texte. Donc je me lève, j'écris. Pareil, la guitare, j'ai la chance d'avoir mon petit studio à la maison, donc je file au studio, j'appuie sur le bouton et j'enregistre les 4 accords et les 3 notes qui vont bien. Bah, nous, on enregistre le son déjà, et puis on enregistre les vidéos, ouais. Et c'est bien pratique parce que ce que vous avez entendu tout à l'heure, vous pensez que c'est Marc Texo avec des instruments joués par d'autres instrumentistes, mais là, pas du tout. Tout ce qui est avec toi, c'est carrément combien d'instruments différents tu as quand tu es tout seul? Je compte pas vraiment. En fait, il y a une grosse caisse, une caisse claire, un petit charlet. Il y a 2 bongos que j'utilise très ponctuellement. Il y a la guitare, l'harmonica, puis mon chant aussi. Bah, ça fait 8. Voilà. À peu près. 7, merci. Puis mes yeux pour sourire en même temps, pour faire des regards. J'exagère. Et là, on va retrouver François. Ça va, François? Ça va très bien. T'as pris un peu de sucre? Ouais. Tu vas jouer deux morceaux, donc d'abord à la basse, c'est oui. ça? Oui. Les deux prochains. Et tu te souviens des titres ou pas? Le premier s'appelle Avec Dessy. D'accord. Et le deuxième Happy End. Donc ça sera 4 chansons. On aura peut-être le temps d'une 5e. Oui, il y a un rappel. Et on donc une petite guitare violon. Voilà, c'est laquelle? Ça s'appelle Un peu d'audace et c'est un morceau qui était sur l'album d'avant, celui-là, le dernier qu'on jouera au violon. C'est un morceau acoustique qui est sur où il reste si les gens si quelqu'un est intéressé par l'album de 2017, il faut se dépêcher. Il y en a vraiment plus beaucoup et je suis pas dans la démarche de la réédition. Il n'est pas vendeur à la Fnac. Hein, donc non, mais je suis pas voilà. Non, là c'est je suis pas dans la réédition. Donc quand un album est vendu, j'ai même réussi la prouesse sur le troisième album de tellement tous les vendre que quand je suis rentré chez moi après une tournée, j'ai dit mais j'en ai même plus un moi. Pour l'écouter. C'est vrai. Allez vous installer François et Marc pour la suite des festivités. Marc Texo avec l'album que vous retrouvez qui s'appelle Face au miroir. Talents d'ici avec les radios associatives de Lorraine. Nos âmes, un peu moins de réflexion, aurions-nous pour unique arme nos désirs et nos pulsions, cela donnerait du charme, des couleurs à l'horizon, on ne verserait des larmes que de joie dans nos missions, avec pour être prêt. Et s'il y avait dans nos yeux un peu moins de solitude, on pourrait peut-être un peu s'éloigner des habitudes. On transformerait le jeu en voyage un peu moins rude, et on y mettrait un peu chaleur du sud, avec des si d'aimer, peut-être que tout changerait, oui mais ici, nos si nommés sont trop frileux pour être vrais. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talents d'ici. Un jour de plus, un jour de chance, montagne russe ou simple danse, la route est longue, les émotions défilent, les esprits brûlent, les lois se meurent, la mer déborde, l'or est un leurre, le réveil est brutal, la vie subtile. Regard déçu sur nos batailles, malentendu quelques détails, on suffit à faire basculer les rêves. Et puis soudain, inattendu, un vrai soleil au coin d'une rue fait renaître un espoir qui nous relève. happy end. Happy end. Des kilomètres, des paysages, des silhouettes, c'est l'engrenage. Y'a besoin d'oxygène dans la fournaise. Une mise au point, des plans flottés, une évidence inespérée. C'est l'heure d'une vraie pause, ne vous en déplaise. Happy end. Happy end. Cool, tout s'accélère, il faut choisir comment faire. Le plus sage est peut-être de laisser faire, en comptant sur la bonne étoile qui soufflera sur la grand voile pour faire briller des jours calmes et sincères. Happy end. Happy end. Happy end. Happy end. Talents d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Y a pas de leçon à donner, y a que des pages à raconter. Des milliers d'histoires qui résonnent. Il faut en prendre et en laisser. Chacune apporte à sa manière le fruit des routes qu'elle a tracées. Par expérience de père en fils, l'horizon pourra se forger. Au fil des ans qui passent, simplement, avec un peu d'audace, de temps en temps. Chacun traverse à sa manière le décor qu'il doit affronter. Et quand bien même on peut mieux faire, c'est bien du mieux que l'on fait. Avant d'errer sur nos chemins, peut-être faut-il se retourner, écouter les anciens refrains, et pourquoi pas s'en inspirer. Au fil des ans qui passent, simplement, avec un peu d'audace, de temps en temps. Thank you. simplement avec un peu d'audace. De temps en temps, Talent d'ici avec David Ménard. Trois titres, j'ai pas voulu vous interrompre au bout de deux titres parce que c'était, vous étiez bien parti pour en faire un troisième qui fait partie de l'album précédent, c'est ça ? L'album précédent qui s'appelle Vagabondage. Oui, et qu'on peut retrouver voilà. À la sortie des concerts. On peut encore retrouver pendant quelques temps, mais pas longtemps, à la sortie des concerts. Parce qu'ils disparaissent très vite. Il y en a plus beaucoup en fait de celui-là, donc voilà. Et il y en aura pas ? Non, je ne... À Nilvan, il n'y en aura pas ? Si Nilvan, je devrais en rester quelques-uns. Tu peux rappeler la date ? Le 22 mars, dimanche 22 mars, c'est d'accord. Le jour du deuxième tour des élections. Ah bah oui. Je joue à 16h, donc venez me voir, puis après vous irez boire l'apéro donc, pour voir les résultats. Si vous ne votez pas... Si il faut aller voter avant. Si les gens ne votent pas, ils ne vont pas au concert. Ah non, il faut aller voter avant, il faut venir au concert et puis après on va voir les résultats. Voilà, c'est l'après-midi parfait. Et puis on passe une bonne soirée. Oui, ce sera en après-midi. Hein. Je joue à 16h en fait le dimanche. D'accord. Voilà. Il y a d'autres dates, hein. Je crois qu'il y en a deux. Il y a une autre date une semaine après où on joue le 28 mars à Granges-sur-Bologne. Mm-hmm. Donc là, ce sera en duo. Gueulard, je serai seul. C'est quoi, c'est une MJC C'est une salle des fêtes. D'accord. Donc organisée, j'ai pas le nom de l'association en tête. C'est mais pas grave. Voilà. Ensuite, le mercredi 8 avril à Metz. Dans un lieu qui s'appelle La Comédie, qui est rue du Pont Saint-Marcel. Pour ceux qui connaissent bien, je lui fais un clin d'œil, c'est en face du Burin Musique, mm-hmm. qui est un des magasins musicaux messins que tous les musiciens connaissent. Voilà. François, tu vas faire une ou deux dates, je crois, sur les trois qu'on a citées. Oui. Au moins une, laquelle ? Le 28 mars. 28 mars, à Granges-sur-Bologne, là, c'est en duo. Et qui cherche les dates, c'est madame ou c'est quoi? C'est des collaborations avec d'autres musiciens, c'est moi aussi. C'est du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille. Je suis pas feignant sur la démarche, mais j'aime pas ça. D'accord. J'aime pas ça. Je me suis beaucoup fait violence au début de ma modeste carrière parce que c'était indispensable. Mmh. Et puis là, j'ai la chance d'avoir des gens qui m'appellent. Donc, c'est vrai qu'au bout de 25 ans, j'ai quand même joué à un certain nombre d'endroits. Donc, est-ce que tu joues encore ? Oui, bon, on aimerait bien te reprendre. Et en fait, je remplis mon calendrier essentiellement comme ça. Mais c'est le point le plus délicat pour moi pour l'artiste autoproduit aujourd'hui. Ça, c'est d'avoir une vraie équipe de travail pour la démarche. Mmh. Oui, c'est important. Parce qu'on est soit artiste, pour moi, soit jouer, pour moi, jouer toutes les semaine, même deux fois par semaine, n'est pas un problème. Mais ce qui est dur, c'est de trouver les dates. Effectivement. C'est ça qui est difficile. Eh bien, écoute, on a été absolument ravis de t'accueillir. Alors là, sur les cinq morceaux que tu as joués, il y en a deux où tu es avec multi-instrumentiste. J'ai joué en version One Man Band, ce que j'appelle One Man Music Show. Mmh. Et puis les trois autres qui ont été joués en duo. Voilà, la seule chose que je n'ai pas faite ici aujourd'hui, c'est jouer avec mon accordéon. Eh bien, ce sera pour venir me voir sur la scène. Faut venir voir sur la scène. Merci Marc. Merci à toi. Marc Texo, T-E-X. Apostrophe O comme histoire d'eau. Voilà. Là, j'ai tout tenu, ça y est, ça me marque. Mais j'y connais rien, moi, dans ce genre de film. Merci François. Merci David. Mais c'est une belle découverte aussi, tu es au violon, c'est absolument admirable ce que tu fais. Eh bien, merci, ça fait très plaisir d'être là. Merci Antoine. En général, on applaudit Antoine après, mais on n'est pas obligé. Merci Antoine. Merci Antoine. Merci. Antoine. C'était le talent d'ici. Bon, je peux parler maintenant ? C'est bon ? Marc Texo qui était dans le talent d'ici et en replay, en podcastable dès que l'émission sera diffusée, bien sûr. À bientôt. Ciao.